بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا الفرقة في الدرس الماضي المعتزلة، وهم من المعطلة. طيب، المعتزلة هم منصوبون إلى من؟ كي سون أبارونتي؟ واصيل بن عطاء. نعم، واصيل بن عطاء. Et c'est quoi leur madhhab dans l'asma ou sifat? Yuthbitun al-asma, lakin la yuthbitun al-sifat. Naam. Wa kayfa yuthbitun al-asma? De quelle façon? De façon religieuse et shari'a? Leur yuthbit al-asma? Ar-Rahman, wa ar-Rahman bila rahman. Aïe, ça veut dire qu'il... Il les voit comme étant de simples noms propres. De simples noms propres qui n'ont pas de sens. Et c'est quoi la raison qui les a poussés à agir de la sorte, comme tous les autres? Ijtinaban wa tanzihan lillahi 'an at-tashbih za'amu. Nawasil al-an nakhudh al-firqa at-ta'ifa ath-thalitha, troisième groupe. Hum ghulat غلات الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. Ils sont les exagérateurs parmi les Jahmiyyah, les Karamita, les Batiniyyah et ceux qui les suivent dans leur façon de penser. Et principalement les Jahmiyyah. Et les Jahmiyyah, هذا نسبة إلى جهم ابن صفوان. جهم ابن صفوان. وفي الحقيقة جهم بن صفوان il est juste le propagateur. أما من celui qui a assas ce fikr أولا dans les asma wa sifat, je parle, c'est Jad ibn Dinar Dirham. Enfin, chaque fois je m'embrouille. Jad ibn Dirham. Et Jahm, lui, en fait, a propagé la chose, l'a fait connaître. Maintenant, le Jahmiya, ils ont plein de choses sur lesquelles on peut le reprendre, dans le Qadar, ou dans l'Iman, ou dans Khulq al-Qur'an. Là, on parle des Asma wa Sifat. Donc là, on parle des exagérateurs parmi eux. Et là, les Karamita ou al-Batiniya, كذلك, dans ce madhhab-là. قال وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. Donc eux, c'est quoi leur voie? C'est qu'ils renient les asma et les sifat en bloc. Et qu'ils ne décrivent Allah que par la négation. Négation dénuée d'affirmation. Une négation dénuée d'affirmation. Elle dit, donc, tant mohimma, on va en parler après. Regarde. On disait quoi d'ailleurs dans le Nahu? Illa bin nafi al mujarrad an al isbat. Ça dit quoi, tajarrud? C'était quoi? Aïwa, ça veut dire en fait, comme on a expliqué, un nafi qui est dénué, qui n'a pas d'isbat. Parce que nous, al-sunati wa jama'a, pourquoi on fait un nafi? À la wajj, isbat diddahu, son contraire. Wa yakulun inna allaha awwal wujud al mutlaq bi shart al itlaq. Que Allah, c'est la présence absolue, d'accord, dénuée de toute, on dira, de toute attribut. En français, je ne pourrais pas voir autrement. Yani, al-mutlaq bi-shart al-itlaq, ça veut dire qu'il est, on a dit quoi, itlaq, c'est une chose qui est lâchée. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, pour eux, yani, on ne peut rien lui attribuer. C'est une présence absolue, dénuée de toute chose. Il n'a pas de sifat. هكذا. J'ai pas trouvé d'autre façon pour formuler ça en français. فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير وإنما هذه أسماءه لمخلوقاته أو مجاز. Donc on ne dit pas qu'il est présent, ni qu'il est vivant, ni qu'il est savant, ni qu'il est omnipotent. غير ذلك. لا حي لا عليم لا قدير. Ça c'est juste des asma pour ses créatures, ou alors c'est du majaz. On avait dit quoi, majaz, hein, au soulefiq? Voilà, c'est un mot qui a été posé pour autre chose que sa réalité. Une métaphore, en fait. En français, on appelle ça une métaphore. لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيه بالموجود الحي العليم القدير ويقولون إن الصفات عين الموصوف وإن كل صفات عين الصفات الأخرى فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. Pourquoi? Parce que pour eux, affirmer les صفات et les noms, طيب dire qu'il est حي عليم قدير, ça, ça fait ressembler à la créature, car ça, c'est présent chez la créature. Et pour eux, la sifat, c'est le mot souf exactement. Que l'attribut, c'est la chose décrite en elle-même. Par exemple, je te dis, toi, tu es grand. D'accord ? Ben, pour eux, grand, en fait, pour eux, le fait de dire que tu es grand, ça implique que cette chose-là, c'est toi en soi. C'est pas une chose qui t'est attribuée, c'est toi en toi-même. Pour la sifa, c'est le mot souf, c'est la même chose. Et que chaque sifat également équivaut à une autre sifat. C'est la même chose. Donc pour eux, il n'y a pas de différence entre l'ilm, le kudra, le sam, ou le basar. Il n'y a pas de différence. D'accord ? Il n'y a pas de différence. Et le sam, pour eux, le sam, c'est le samia. Et le samia, pour eux, c'est chez les makhloukat. C'est pas Allah. Donc, ils ont dit quoi? Allah, il n'y a rien de tout ça qui lui convient. Donc, ils ont tout. Nafoukoul le shi'i. Wa shubahatuhum annahum yataqadu anna izbat al-asma wa sifat yastalzimu tajbih wa ta'addud. Et leur shubahat également, c'est qu'ils ont pour croyance que le fait d'attribuer ces noms à un attribut, ça implique un tajbih et un ta'addud. Ça veut dire quoi? Une multiplicité des divinités. En fait, s'il y a un Samir, ça contredit un peu ce qui était dit au début, mais alors, franchement, leur fait que j'ai pas... C'est des fois, des gens, ils ont des afkars tellement bizarres que tu n'arrives pas trop à cerner. Pour eux, Meselen, un Samir, ça sera une chose. Et si jamais tu prends le sifat, tu l'attribueras à autre chose. Tu prends le sifat, tu l'attribueras à autre chose. Donc ça fera que des choses différentes. Donc pour eux, différents sifat, comme ça, séparés, ça va amener à quoi? À différentes divinités. Non. Mais pourtant, je comprends pas, parce qu'au début, ils disent que il y a pas de fork, il y a ni sifat, il y a rien de sifat. Kulu sifat, rien de sifat et l'okhra. Ça, c'est un truc qui m'a posé problème. Donc dans l'akhida, il y a ça. Wa wajhu dhalika fil asma anna iza summiya biha لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم فإذا أثبتنا الحي مثلا لازم أن يكون متصفا بالحياء لأن الصدق المشتق يستلزم الصدق المشتق منه وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو التشبيه. Donc pour eux si jamais on attribue les noms à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Asma, ça veut dire qu'il sera obligatoirement décrit par le sens contenu dans ce ism. Ça, c'est vrai à la base. Donc il dit, si on l'appelle Hay, cela voudrait dire qu'il aura sifat du Haya. Ça, c'est vrai à la base. Eux, ils veulent pas. Parce que dire le Haya, ça va le faire ressembler à ces créatures. Et pour eux, c'est un tajbih. Wa amma fi sifat faqalu inna isbat sifati mutaghayyira mughayyiratun al-mawsuf yastazimu at-ta'addud wa huwa tarkib mubtadi' mutanaqid at-tawhid aw munaqid at-tawhid. Et pour eux, ils ont dit que la sifat, en l'affirmant, là, c'est vrai que là, en apparent, là, moi, ça pose un problème par rapport au Kalam Sabir, quand il dit que sifat est rien de sifat, et maintenant, ils disent sifat mutaghayyira. C'est-à-dire que la sifat, que les sifat, elles sont, on va dire, différentes, ce qui impliquera une différence du moussouf. Si on a différents attributs, eh bien, on aura différentes choses qui sont à qui on attribuera ce sifat. Comme si on pourrait croire de leur parole que le Samir, c'est une seule chose. Pas autre. Après, le Basir, c'est autre chose. Pas autre. Ça va être la réponse à venir. Mais, moi, ça me perturbe par rapport au kalam d'avant qui disent que kul sifat, ayn sifat al-ukhra, fara farq bayna al-ilm, wal-kudra, wal-sam, wal-basir. C'est ça, en fait, moi. Ou peut-être que ça, c'est le call de certains d'entre eux. Et d'autres disent autre chose. Et qu'il a mis tout ensemble. Donc pour eux, en fait, faire le ta'adud du mot sauf, ça s'oppose au tawhid. Car le tawhid, c'est l'unicité. Une seule divinité. ورد عليهم من وجوه. Donc là, il va répondre. الأول أن الله تعالى جمع فيما السماء ووصف بنفسه بين النفي والإثبات وقد سبق أمثلة من ذلك. Donc Allah سبحانه وتعالى a joint entre ce par quoi il s'est nommé et ce par quoi il s'est décrit, il a joint entre un nafi ou l'isbat. Il s'est affirmé des choses et on a renié d'autres. Et les exemples sur cela ont été cités auparavant. فمن أقر بالنفي وانكر إثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض والكفر ببعض الكتاب وكفر بالكتاب كله. Donc celui qui est, مثلا, agréé et reconnaît le nafi mais rejette l'isbat, c'est comme s'il avait écrit une partie du livre et en a rejeté une autre. Et le fait de mécroire en une partie du livre, ça revient à mécroire au livre entièrement. Comme quand l'Azza wa Jal a fait tu'minoun bi ba'd al-kitab wa takfuroun bi ba'd fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamah turadduna illa shadil 'adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Est-ce que vous allez croire en une partie, est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous croyez en une autre, et quelle donc la rétribution de celui qui agit de la sorte, si ce n'est en ce bas monde, si ce n'est l'avilissement en ce bas monde, et au jour du Qiyama, il sera ramené au plus de le châtiment, et que Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Surat al-Baqarah, verset 85. Donc, Allah Azza wa Jal, Inna allazina yakfuruna billahi wa rusuli, wa yuriduna yufarriku bayna Allahi wa rasuli, wa yakulun nu'minu bi ba'd, wa nakfuru bi ba'd, wa yuriduna yattakhidhu bayna dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqa, wa atanna li kafirina azaban muhina. Certes, ceux qui ont mécru en Allah et en ses messagers et qui veulent diviser, séparer entre Allah et ses messagers, ils disent, nous croyons en certains, nous mécroyons en d'autres, et qui veulent prendre en cela une voie intermédiaire. Ceux-là sont les koufars réellement. Et nous avons préparé pour les koufars un châtiment avilissant. Surat An-Nisa de 151 à 150. Ou le contraire, 150 à 151. Donc, première réponse, tu ne peux renier une chose en accepter une. Dans ce qui a été cité dans le kitab. Dans le kitab, on a Nafi ou Al-Ithbat. Athani, an al-mujud al-mutlaq bishat al-itlaq, la wujud lahu fi kharij al-mahsous. Wa innama wa amrun yufridu wa dhin, wa la wujud lahu fi al-haqiqa. Fatakun haqiqatan al-kol bihi nafi wujud Allah ta'ala illa fi dhin. Wa adha ghayat al-ta'til wa al-kufr. Que le fait qu'il prétende qu'il est la présence absolue dénué de toute condition, on va dire de tout attribut. Ça, c'est une chose qui dans le constat n'existe pas. C'est une chose que tu ne peux avoir ou une chose fictive dans ton esprit seulement. Mais en réalité, ça ne peut pas exister, ça. Donc, ça revient à quoi? À une suppression totale de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le kufr pur. La chose telle qu'eux la conçoivent n'existe que dans leur esprit. C'est une chose fictive. Fil hakika, la wujud lahu. Donc c'est comme si, pour eux, elle n'existe pas. Attalou an wujudillahi al hakiki. Demain, c'est comme des gens qui s'imaginent des choses dans leur tête. Telle et telle chose. Et cette chose-là, en réalité, elle n'a pas d'existence. Lui, dans sa tête, il arrive à se concevoir. Il s'imagine une chose dans sa tête. Mais cette chose-là, elle n'existe pas en réalité. Ouais. Donc eux, c'est ça qu'ils font en fait. Ils ont, on va dire, ils ont conçu dans leur esprit une réalité d'Allah qui n'est pas la sienne. Donc c'est comme s'ils l'avaient rendu inexistant. ثم قال الثالث قولهم إن الصفات عين الموصوف وإن كل صفة عين الصفات الأخرى مكابرة في المعقولات Safasatun fil bahdiyat. Qu'ils aient dit quoi? Que chaque sifat, c'est la même, chaque sifat est égal et l'autre sifat. Elles sont une seule et même chose. Non. Et que la sifat, c'est le mawsouf. C'est la même chose. La chose décrite et l'attribut ne sont qu'une seule même chose. Comme on l'a dit au début. Ça, c'est une chose qui s'oppose totalement à la raison. D'accord ? Et qui s'oppose totalement à l'évidence également. C'est une chose qui, c'est comme dire 1 plus 1 égale 5. C'est une chose qui n'est pas possible. فإن من المعلوم بالضرورة بضرورة العقل والحس أن الصفات غير الموصوف وكل صفاتين غير الصفات الأخرى فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغيرة. Donc il a dit, il est connu يعني par l'évidence du عقل et du constat que la صفات c'est pas le موصوف. Chaque صفات n'est pas le mawsouf. Al-ilm, c'est pas l'alim. La science, c'est pas le savant. Al-kudra, c'est pas la qadir. Al-kalam, c'est pas le mutakallim. La parole, c'est pas celui qui parle. C'est autre chose. Qui vient de lui, qui est de lui, mais n'est pas lui-même, en soi. Tout comme, al-ilm, c'est pas la kudra. Al-kudra, c'est pas le kalam. Ce sont toutes des sifats différentes. Donc ça, c'est une chose qui est complètement incohérente de leur part. Arabia, et ça, c'est des fruits de la falsafa, ça. La philosophie. Quand les gens, dans la réflexion, ils parlent trop loin, dans la réflexion, ils s'imaginent des choses, et ils rentrent dans l'inconcevable et l'inimaginable. Ils ne s'arrêtent pas au Kitab wa Sunna, ils partent dans leur délire spirituel, et là, ils vont je ne sais où. Donc, qu'en est-il lorsque ces gens-là font ça dans l'aqida, comme tu vois maintenant, là? T'en as, ils font ça dans l'esprit humain, le mode de vie, dans les sentiments, tu vois. Bah, eux, ils l'ont fait, dans quoi? Fidatillah. Parce qu'ils touchent à Allah, ce matin-là, ils sont haq, ses attributs. Donc, ils sont partis tellement loin, ils sont égarés. D'un égarement évident. Hein? Jahmiya? Non. Ghurat al-Jahmiya? Non. Ils ont été kaffar. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي لأن إثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه وما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا وهؤلاء النفاء لا يقولون بالنفي يقتضي الإثبات. Donc le fait, quatrième chose, du fait qu'ils ont fait le nafi sans إثبات. Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit avec des sifat, il les a affirmés. Et cette affirmation est une chose qui rajoute de la perfection à sa description. Et cela est encore plus convaincant et encore plus impressionnant que le fait de le décrire par la négation. Si Allah il te dit, on l'avait dit au début du livre, il te dit que Allah il est Qadir, Allah il est Alim, Allah il est Hayy, Allah il est Samir, il est Basir. Toutes les sifat. Ça t'affirme la chose. D'accord ? La sifat, t'as compris le sens. Maintenant, on te dit Allah la yanam. Allah, mathalan, la yansa. Allah la yadloum. Allah la yakhfal. C'est lequel des deux ? Allah n'est pas inattentif. Allah n'oublie pas. Allah n'est pas injuste. Toutes ces choses-là. C'est lequel des deux qui est le plus proche de la perfection ? L'affirmation ou la négation ? L'affirmation. Mais les deux ensemble, ça rajoute encore plus. Les deux ensemble, déjà l'isbeth, l'isbeth, misifat al-kamel, c'est une chose qui, alhamdoulilah, qui est proche de la perfection. Si en plus, tu ajoutes la négation des imperfections, c'est encore plus propre. Mais la négation des imperfections tout seul, sans le reste, c'est pas un éloge, on l'a dit au début. C'est pas un éloge. Donc eux, ils ont fait quoi? Ils ont fait une négation des défauts sans impliquer l'affirmation de leur contraire. Ils ont fait un nafi, mais un nafi qui est quoi? Qui est batil. Demain, je te dis, Mathalan, toi, je veux dire, toi, tu es quelqu'un, un exemple, tu n'es pas avare. Donc, je suis généreux, je ne dis pas que tu es généreux, juste tu n'es pas avare. Tu dis, ça raconte, je ne suis pas avare alors. Si tu dis, je ne suis pas avare, dans le sens pour dire que je suis généreux, là, tu auras fait mon éloge. Donc, si je ne suis pas avare comme ça et tu ne me dis pas que je suis généreux, bah, je ne vois pas l'intérêt de ta parole. Elle ne sert à rien. Hein? Eux, c'est à ça qu'ils veulent venir. Ils font un nafi, fokat. Ils vont te dire, Allah, la yanem. Non, je suis d'accord avec toi. Allah, la yazlum, je suis d'accord avec toi. Hel Allah yasma, la. Il va dire la. Hel Allah, salen, yara, il va dire la. Hel Allah, salen, ya'lam, il va dire la. Donc, eux, c'est que la, la, la, la, la. Ils ont tout renié. Sifat Nox, ils ont renié. Et les sifat de Kamel, ils ont renié également. Al-Khamis, qawluhum, inna izbat sifati mutaghayyira, mughayyira lil-mawsuf, yastalzim at-ta'addud. Qawlun batil, mukhalif lil-ma'qul, wal-mahsus. Qui disent que, justement, le fait d'attribuer les sifat différentes, cela implique d'avoir des mawsuf différents. C'est-à-dire différentes divinités. Ça c'est un kalam qui est totalement batil. Et qui s'oppose même à la raison et au constat. فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَدُدِ الصِّفَاتِ تَعَدُدِ الْمَوْصُوفِ فَهَوَ الْإِنسَانَ الْوَاحِدِ يُوصَفُ بِأَنَّهُ حَيٌّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ عَاقِلٌ مُتَكَلِّمٌ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَعَدُدِ ذَاتِهِ. Par exemple, c'est faux. Pourquoi une personne? Tu prends un homme, tu dis, مثلاً, cet homme, il entend, il voit, il parle, et autres parmi les sifats. Et pourtant, c'est une seule personne. Une seule même personne. Le fait de dire qu'il entend et il voit, ça ne veut pas dire qu'il y a deux hommes. C'est le même homme, il a différents sifat. Cela ne change pas son essence en lui-même. Alors qu'en est-il du Créateur? As-sa'adis, qu'ouluhum fil asma, inna izbataha yastalzimun yakuna muttasifan bima'na l'ism, fayaqtadi an yakuna izbataha tashbihan. Et leurs paroles qui disent que le fait d'affirmer les asma, cela implique dans sortir, ou plutôt dans de le décrire avec l'attribut qui en est déduit, qui en est dérivé de ce isme. Et ça revient à quoi pour eux? Au tashbih. Jawabuhu an al-ma'ani allati talzimu min ithbat al-asma' sifat la iqab billahi ta'ala ghayr mustahilatin 'alayhi wal musharakatu fil ism aw as-sifat la yastalzimu tamathil al-musammiyat wal mawsufat. Donc on a dit nam, le sens que l'on prend d'un ism, quand même, son attribut, on l'attribue à la Santa Allah comme cela lui revient à lui. Elle est écobé. Et cela n'est pas impossible du tout. Et on l'a expliqué encore au début, que le fait qu'il y ait une musharaka, que les noms attributs soient communs même chez la créature, n'implique pas un tashbih. Pas du tout. Ni entre les créatures entre elles, on l'avait expliqué, et encore moins entre la créature et le créateur. السابع والاخير قولهم ان الاثبات يستلزم تشبيه بالموجودات. Que le fait l'affirmation des choses, ça implique une ressemblance avec les choses présentes existantes. Regarde bien cette parole là. جوابه ان النفي الذي قالوه به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم. Bon, on dit la négation selon votre raisonnement, il implique quoi? La ressemblance au néant, aux choses inexistantes. C'est le contraire. Et il part bien là, dans votre raisonnement à vous. ذَلِكَ أَقْبَحْ مِنْ تَشْبِيهِ بِالْمَوْجُودَاتِ وَحَيْنَ إِذِينَ فَإِمَّا أَنْ يُقِرُّوا بِالْإِثْبَاتِ فَيُوَافِقُوا الْجَمَاعَةِ وَإِمَّا أَنْ يُنْكِرُوا النَّفِي كَمَا أَنْكَرُوا الْإِثْبَاتِ فَيُوَافِقُوا غَرَاتِ الْغُرَاءِ مِنْ الْكَرَامِطَةِ وَالْبَاطِنِيَةِ وَغَيْرِهِمْ وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَتَنَاكُدُ ظَاهِرٌ. Donc il dit, et ça, le fait de faire ressembler au néant aux choses inexistantes, ça c'est pire encore. C'est pire encore. Donc on le dit à ce moment-là, soit ils reconnaissent Al-Isbat à la Wajj al-Shad'i, bien sûr, et là ils seront en conformité avec la voie des salafs. Ou soit alors, ils doivent renier, comme ils ont renié l'Isbat, ils doivent renier alors le Nafi, ils doivent faire le Nafi du Nafi qu'ils ont fait. Et là, ils seront en conformité avec qui? Avec les exagérateur extrême des karamita et batiniya qu'on va prendre demain, inshallah. Il y a un quatrième secte qui est encore pire que eux. Allah yu'in pour traduire ce qui est le fausse, ça ne va pas être facile. Qu'elle en facilite. Mais quant au fait de différencier entre les deux, j'accepte le nafi, j'en fais ce bête, ça c'est contradictoire dans leur raisonnement. Car la raison qui les a amenés à refuser l'isbeth doit les pousser à refuser le nafi. Et la raison qui les a poussés à accepter le nafi doit les forcer à accepter l'isbeth. Donc là, ils sont en Moutanakidin. Là, ce qu'on a pour aujourd'hui, c'est les Wurad, Wurad et Jahmiya, les Karamita et Batiniya. Et demain, on prendra Wurad et Wurad, Tayyib, Nil Falasifa, le Jahmiya et les autres. L'exagération extrême. Ma foumada, Faylana, wa alhamdulillah bil alamin.